Jazz de bouffons, bergerie du vin en provençal. Je vous propose de me suivre à travers les contrastes du paysage sonore du quartier, des oiseaux de ces jardins aux autoroutes qui les croisent, des chemins des écoliers joyeux au silence plein des couleurs de la Fondation Vassarelli. Moi, je suis Graziella Melviane, professeure, chercheuse et artiste brésilienne. Je suis invitée par la médiathèque de la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme et par les CNRS pour un séjour scientifique. Je suis guidée travers les jazz des bouffons par Nathalie Cotel, qui habite dans les quartiers et travaille dans la MMSH. Vous connaissez la MMSH? C'est juste à côté du centre culturel Château de l'Horloge, notre point de départ. Vous trouverez les indications de nos chemins dans mon cahier de Polaroid. Vous êtes prêts? On y va? Là, vous avez un centre. Une petite bibliothèque. Bon, on va rentrer parce qu'il y a moins de sortir là. Vous avez une école de musique. D'accord. Vous avez. Des cours de peinture, toutes sortes de choses, voilà. Genre un centre culturel. Voilà, culturel, voilà. Il y a les, voilà, l'école de musique, l'assistante maternelle, tout ça. Ah, c'est bien. Voilà. C'est bien. Voilà. Donc là, on a... De temps en temps, ici, Véronique, elle vient manger. Ah, d'accord. Voilà. Donc là, forcément, il y a les Jeux Olympiques cette année. Ouais. Là, vous avez tout le quartier, en vérité, comme il était périphérique. Ils ont tous les trucs sportifs. Là, ah, d'accord. Les stades pour le confronter les écoles. Là, vous avez un collège. Là, il y a l'école maternelle, l'école primaire. Alors, il y a des... Petit oiseau. Voilà. Merci, Nathalie. Vous n'avez pas trouvé de pied. Le jeune. Ouais. Alors là, on est dans une. On a pris le chemin des tambourinaires. D'accord. Donc, on est parallèle à Hugo Eli. On est là, en vérité, on est là. Donc, on a fait. Voilà, alors en vérité, on a fait comme ça. D'accord. Voilà, vraiment, on a pris celle-ci. D'accord. Cette rue, on est passé devant le centre social, oui. Là c'est les écoles, oui. Et là en vérité c'est un chemin d'écoliers. D'accord. Interdit. Voilà. D'accord, interdit. Voilà. Voilà. Aux voitures. Aux voitures. Mm-hmm. On va arriver ici. C'est un espace vert, un grand espace. D'accord. Voilà. C'est tout près en fait. Ah oui, c'est tout près. Oh, oui. Gilbert Villers. Bonjour, si on peut essayer d'aller à l'école. Oui, c'est bien. Merci. Ah, voilà. Les oiseaux. Ça, c'est la sonnerie du collège à côté. Ah. De temps en temps. Ouais. Ils choisissent des chansons comme Don't Worry. Ah, c'est vrai. Ça, c'est curieux. C'est original. Ça change. Ouais, ça change. C'est très agréable par ici. Et les gens du quartier fréquentent ces jardins-là? Ah oui, ouais. Moi j'habitais au départ là-bas. Ouais. Donc on va y aller si tu veux tout à l'heure. Oui. Comme ça tu verras la Vasarely. Ah oui, donc, oui, voilà. Oui. Et je venais aussi à pied. D'accord. Et ici, je venais. Les gens viennent, et leurs animaux pour les enfants et tout. D'accord. Ça. D'accord. C'est agréable. Oui, c'est très agréable. Ouais. Il y a quand même un lac. Oui, un petit lac avec des canards. Ouais, c'est sympa, vraiment. C'est là qu'il y a le festival début juillet. Un festival de musique actuelle. D'accord. Gratuit. Super. Ouais. Vous pouvez regarder les programmes. Oui. Ça s'appelle Zigzag. Piscine. Ah, voilà. D'accord, une piscine publique. C'est bien d'être rénové. Et le bassin, il est ouvert. Voilà. Et ici, au niveau du paysage sonore, c'est intéressant parce qu'on entend les oiseaux, mais on entend aussi les bruits de la ville. Oui. Je veux faire des exercices d'écoute de la ville, ce qu'on appelle le paysage sonore. Parce que quand on voit les choses, parfois on oublie d'écouter les choses, les paysages. Totalement. Donc je veux faire ces genres d'exercices. Oui. Peut-être ça sera bien de faire ici. Oui. Je te propose de monter là. D'accord. On va sortir. Et si tu veux, on peut aller vers Vasarely. D'accord, super. Voilà. Alors, ce parc, on va être plein d'ouvertures et même la vérité, c'est pas totalement fermé. Et c'est tranquille de venir même pendant les soirs. Oui. Bon, alors, oui, moi, je n'ai jamais. Rencontrer le moindre souci. D'accord. Ouais. Ouais. Non, c'est bien. C'est bien. C'est une Brésilienne qui te demande. Voilà. Fais attention. J'ai vécu à Marseille. Ouais. Marseille est beaucoup plus compliqué à vivre. D'accord. Voilà. Je suis marseillaise. Ah, mais, d'accord. C'est une ville qui est plus agressive. D'accord. Stressant. Je dirais. D'accord. Même. Tu préfères Aix? Oui. Depuis 2015. Ah, ça fait un moment déjà. Voilà. Presque 8 ans. Ouais. 8 ans. Ah, c'est sympa. Alors là, c'est il n'y a plus ici de un loyer modéré. D'accord. Ici, c'est essentiellement du privé. D'accord. Les gens sont essentiellement propriétaires. D'accord, c'est bien. Voilà. Donc tu vois, il y a une sorte de cohabitation. C'est vrai que c'est sympa au niveau de la verdure. Oui, c'est très sympa. Ah. Alors essentiellement c'est vrai résidentiel, t'as assez peu de commerce. Il y a des blanchies dans oui, les quartiers. Un petit peu, oui. Il y a un petit peu de. C'est très agréable ici. Oui, là par exemple c'est un truc privé d'étudiants. Ah, ça d'accord. S'appelle Studéa ou un truc comme ça. Voilà. C'est ici. Et les quartiers, ça date des camps, parce que ça... Alors là, ça date... par exemple, là, j'habitais ici avant, et c'est autour des années... début des années 80. D'accord. Voilà. Donc, oui, j'habitais juste là, d'ailleurs. Où il y a un petit jardin, là. Là, juste devant l'entrée. En vérité, là où il n'y a pas du tout de végétation, d'accord. Et tout est fermé. Voilà, j'habitais juste là. Dans ce tout petit de jardin. Et c'est vrai que le vert, est... moi j'aime bien avoir du vert. Oui. Voilà. C'est bien. Parce que sinon, il y a très peu de bruit. C'est calme. On va traverser. On va attendre. Voilà. Ouais. Ouais. On va traverser, après on fera attention quand même. J'ai réussi un concours au CNRS en 2005. D'accord. Et le poste était à Rennes. Ah, Bretagne. À la porte, ouais, je vois. Donc j'étais bretonne de 2005 à 2015. Ça t'a plu ou... Oui. Oui, oui. Oh, la Bretagne, c'est très, c'est ouais, très joli. Ouais, ouais, ouais, ouais, un, aussi, peu, mais... un peu frais, mais ouais. Voilà. Et quand je suis revenue dans le sud, que j'ai pris mon poste, j'ai trouvé à me loger là. Bien. Donc là, c'est la fondation Vassarédoux. D'accord. Il y a des expos. Oui, il y a des expos permanentes. Et lui, il a vécu ici, Vassarelli. Pourquoi il a une fondation ici, alors, à Aix? Je ne serai plus, à vrai dire. Non, c'est pas grave. Mais en tout cas, je sais que pour c'est Aix qui avait accepté de le recevoir. C'est vraiment quand ils se sont installés, un espace un peu vierge. D'accord. Voilà. Par exemple, ils ont mis les impôts, ils ont mis toutes sortes d'administrations pour essayer donc, d'étaler, de faire venir les gens. D'accord. Ouais. Alors, Vassarelli, il ne te l'a pas mis. Parce que là, on a le centre, Aix-Luberon. Vassarelli est là, en vérité. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Voilà. Il est là, Vassarelli. D'accord. Voilà. Donc, on a fait ça. On a fait ça. Voilà. D'accord. Ouais, on a fait ça. J'ai passé dans l'office de tourisme, j'ai acheté des bouquins. Oui. Et les quartiers n'est pas dans les cartes. Non, parce qu'il est nouveau. Là aussi, tu vois bien qu'on est sur une sorte de montagne, ouais. Parce qu'on a le vieux Aix là-bas. Ouais. C'est sur, un peu sur les hauteurs, sans être vraiment sur les hauteurs. Ouais. Là, ça doit être la cathédrale. Yeah. Bonjour. Auriez-vous les programmes de votre flyer qui présente pour une visiteuse potentielle vient du Brésil. Oui, voilà. C'est moi. Mais qui parle très bien français. Merci, c'est gentil. Voilà. Merci. Il y a portugais Non, c'est en français. Merci. Ouais. Voilà. C'était pour découvrir un peu le lieu. Oui, pour, parce que j'ai proposé des ateliers sonores à la maison méditerranée des sciences de l'homme. Mmh. Et donc, j'ai fait un peu avec Nathalie les parcours de quartier pour voir qu'est-ce qu'il y a. Après, je reviendrai avec les participants. D'accord. On est vraiment à 10 minutes à pied. Oui. On est voisins. Oui. Voilà. Okay. Donc, voilà. Je sais. Parfois, effectivement, même pour des colis, des choses, c'est qu'ils arrivaient de l'autre côté et que très gentiment, on arrive à les récupérer ici. Oui, donc, voilà. À côté. Donc, c'est un peu le parcours ici d'un Oui, super. Vous allez rester combien de temps? 45 jours. Oui, c'est bien. J'ai fait une conférence hier et je ferai des ateliers, des parcours sonores, des podcasts en atelier par semaine, chaque mercredi. Okay. Je reviens, enchantée. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée, à bientôt. À bientôt. À bientôt. Moi j'adore face à Rélie. Ah, c'est énorme. Comme j'habitais juste à côté, j'ai fait de temps en temps, il faut des nocturnes. D'accord. Et j'y suis venue la nuit. D'accord. C'est formidable. J'imagine. C'est, la nuit, c'est formidable. Je ne sais pas si le fond. Demander. Oui. Ouais. J'ai habité rue Achille Empereur, donc vraiment j'étais pas loin. J'étais venue une nuit, vous avez fait une nuit, c'était la nuit des musées. Oui. Et c'était, c'est passé. Oui, c'était le 18 mai. Le 18 mai. Voilà. Et est-ce que vous refaites des nocturnes? Non. C'est pas prévu pour l'instant. C'est vrai que ça pourrait être un projet pour la suite, mais parce qu'on était ouvert le 18 mai dans le cadre de la nuit des musées, donc tout était gratuit. Et puis la nuit, c'est formidable parce qu'en vérité, c'est une autre dimension, totalement. Moi, j'ai vraiment apprécié. Oui, ça fait rêver. Ah oui, c'était vachement. Et par rapport à des visites que j'avais fait le jour, la nuit, c'est vraiment totalement. Ouais, c'était dommage. Oui, mais c'est passé. La nuit des musées. Non, c'est pas grave. Voilà. Bon, je reviens toujours en France. À bientôt. Merci. Voilà. Ouais. La nuit des musées, finie. J'adore face à Eline, ses œuvres, donc je reviendrai même sans les participants. Voilà. Ah, c'est bien, si tu peux le faire aussi, c'est très bien. Parce que je suis passée hier dans l'office de tourisme. Oui. Donc tu as vois des cartes. Merci, c'est gentil. C'est très beau. Vous prenez votre porte-vue. Alors, c'est une fondation privée. D'accord. Vazarelli, donc je pense qu'il marche par don, etc. Donc, D'accord, voilà. Alors, après, si tu veux, on peut faire le tour parce que là-bas, il y a des sculptures. On a vraiment du bruit. Bien. Mais voilà. Et puis après, on peut rentrer si tu veux. D'accord, comme tu veux. Voilà. C'est mon guide, donc comme tu veux. La Sainte-Victoire. Je te fasse visiter mon quartier. Ah, ça, c'est bien. Voilà. Connaître les quartiers pour quelqu'un qui en appartient. Donc là, on va être sommes arrivés par ici. Si, voilà, donc là nous allons prendre, voilà, nous prenons là. Voilà. D'accord. Nous allons passer devant la piscine, voilà. Là tu as des trucs sportifs, d'accord, encore, hein, une fois. Et on va rentrer à l'intérieur pour faire comme ça et puis ensuite revenir comme ça. D'accord. À la maison de sage. Voilà, d'accord. Plutôt là, comme ça, voilà. D'accord. Club, voilà. Donc voilà, là nous sommes là. On va aller vers un rond-point. D'accord. Très grand, voilà. Et voilà. D'accord, on va aller, voilà, on va aller là, voilà. Ensuite, on passe là comme ça, et puis on fait comme ça. Là, c'est le truc sportif. D'accord. Et bizarre, et d'accord. Les petits. Ils sont sages. Oui. Ici, c'est l'autre côté du jardin, où on était tout à l'heure. Ouais. Oui, oui. Là, il y a plusieurs entrées. Et, d'accord. Comme tu peux remarquer, il y a des portes, mais en vérité, il n'y a pas de grillage. Ok. Donc, vraiment, c'est voilà, bien. Mais, c'est bien ouvert. Pas du tout. Voilà. Dangereux. Super. Voilà. Belo Horizonte, c'est la capitale de Minas Gerais, qui c'est un état plus grand que la France métropolitaine, oh en gros. Ouais. Ah, oui. Et c'est le troisième, ouais. Le troisième état du pays. Et Belo Horizonte a autour de 4 millions et demi d'habitants. Waouh! Ouais. Ah ouais. C'est énorme. Ah, ouais, c'est énorme. On va traverser là. Là, c'est le rond-point que je t'ai dit. Ouais. Là, tu vas vers le centre-ville. D'accord, ouais. Voilà, la gare routière et tout ça. Ouais, voilà. Ouais. Là, on va devoir passer. Là, c'est la piscine. Même si c'est pas connu parce que c'est pas tellement touristique, on a du carnaval, on a une bonne cuisine. J'aime bien mon état. Et ma ville aussi, toute une vie culturelle, c'est vivant. Alors, c'est considéré comme une ville un peu. Petit vieux. D'accord. Pourtant, c'est très étudiant. Donc, d'accord. C'est un paradoxe. Bon, tu vois, entre les deux. Ouais. Voilà, entre deux. Il y a beaucoup de campus. D'accord. Voilà, donc je dirais que c'est un mélange. n'y a pas que des petits jus. Oui, voilà, il y a alors, l'entrée de la piscine, il est là. Et c'est très très près de... Tu verras, tu vas voir, c'est près de... Là, c'est le stade. Voilà. Voilà. Ouais. Je sais pas. Ouais. D'accord. Je vois. C'est bien d'avoir une guide comme toi. Tu connais les coupes-chemins. Véronique a eu cette idée. Le château de l'horloge. Oui. Et la maison est bien. Juste là. Et où est le château?